Le mercredi 6 juillet 2016, le village de Célieu dans la Loire accueillait le 20e anniversaire de Cap Rural. Cap Rural est un service public de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui travaille sur les questions du développement rural. À cette occasion, Cap Rural a invité les participants, agents de développement, élus locaux, porteurs de projets collectifs ou institutionnels, à réfléchir au rural dans 20 ans à travers les ateliers du futur. Nous vous proposons une rencontre avec Anne Carton, directrice de Cap Rural. Mais qu'est-ce que le monde rural ? Alors, c'est une question difficile parce que la notion de rural évolue et évolue tous les jours, bien sûr, avec l'agrandissement des villes, des infrastructures de déplacement, etc. Et le rural, pour nous, c'est les villages. C'est pas que l'agriculture, c'est toutes les activités qu'on peut y découvrir. C'est tous les espaces de faible densité qui ne sont pas en proximité ou au cœur des villes. Alors Cap Rural, quel est son champ d'action? Quelles sont les spécificités de chaque poste et comment ça se traduit au quotidien? Alors, le rôle de Cap Rural, c'est de faire en sorte que les espaces ruraux se développent, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des capacités dans ces espaces ruraux, dans ces villages, dans ces petites villes, de vivre et de travailler. Donc, on n'est pas un rural en Rhône-Alpes qui soit désertifié au profit des espaces urbains. Donc, le rôle, c'est d'accompagner les élus locaux, les élus des intercommunalités, des communes, des communautés d'agglomération aussi, quand elles comportent une partie rurale, pour qu'ils puissent monter des actions qui vont permettre à des entreprises de rester en espace rural, de se développer et donc de maintenir une vie dans ces espaces ruraux. Alors l'équipe de Cap Rural, c'est une dizaine de personnes qui sont tous spécialisés sur ce rural, cette notion de développement local, c'est-à-dire une action par projet. Et puis notre rôle, notre mission, c'est d'accompagner les élus, les agents de développement qui sont payés par les associations, par les communes et les intercommunalités pour faire ce développement local. Alors comment fait-on pour travailler avec des lieux comme cette ville ici qui nous accueille aujourd'hui, ces lieux par exemple, ou d'autres petits villages sans être péjoratifs qui vont avoir leurs spécificités, qui vont avoir aussi leur histoire, qui vont avoir leurs habitants, les élus locaux qui sont souvent issus du CRU. Comment on arrive de l'extérieur à développer des choses dans ces milieux-là? Alors la première chose, bien sûr, c'est de les écouter. C'est eux qui connaissent leur village, leur ville. Les écouter, mais aussi avoir le recul nécessaire pour leur apporter des idées, pour leur montrer des choses qui se sont faites à l'extérieur. Et puis, rentrer dans un dialogue avec eux pour voir quelles sont les pistes, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui pourrait être un atout supplémentaire pour le village. Et aussi arriver à leur identifier des personnes relais, puisque nous, on n'intervient pas directement. On va pas aller voir les habitants, on ne va pas aller voir les acteurs économiques. Nous, notre rôle, c'est d'être un intermédiaire, d'accompagner, d'appuyer élus et agents de développement. Donc, on va aller les aider à identifier des agents de développement, des élus, des expériences ailleurs, de leur donner de la méthode, des outils pour qu'ils puissent intervenir eux-mêmes auprès des habitants et des entreprises. On sait que chaque territoire a sa spécificité. Y a-t-il des initiatives type, entre gros guillemets encore une fois, qui ont fait leurs preuves, sur lesquels vous travaillez, des exemples qui peuvent être transposés ici dans la Loire, comme pourquoi pas en Isère ou dans le Rhône? Oui, il y a toutes les initiatives autour de la notion de service à la population, arriver à maintenir l'accessibilité aux services, donc des modes d'organisation des services, soit itinérants, soit avec des horaires d'ouverture différents, soit avec des modes d'organisation en archipel à plusieurs communes. Donc c'est en général très transversal à tous les espaces ruraux, ce type de besoins, et donc du coup la nécessité de travailler sur ce sujet et la possibilité surtout de travailler. Mais il y a aussi l'appui aux acteurs économiques, qui parfois en zone rurale se trouvent très isolés. Et donc, par exemple, on travaille beaucoup actuellement sur la notion de conciergerie. Des conciergeries comme la notion de concierge dans un immeuble, mais là, sauf que c'est un concierge à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'un territoire d'habitants ou d'un territoire d'acteurs économiques et qui va rendre des services accompagnés et permettre, par exemple, aux entreprises de se maintenir parce que ce concierge va organiser des achats communs, va organiser des services communs et donc ça va faciliter la vie des entreprises qui parfois sont isolées d'infrastructures ou bien sont isolés de moyens de déplacement. Alors, est-ce qu'on parle ici d'attractivité d'un territoire, le rendre attractif, faire venir des citadins dans ce milieu rural, ou c'est maintenir la population rurale ? Alors, ça dépend. Hein. C'est tout à fait différent d'un espace rural à l'autre. Hein. Et notamment en Rhône-Alpes, on s'aperçoit qu'il y a des zones très différentes l'une de l'autre. Le sud de la région, le sud de la Drôme, le sud de l'Ardèche sont des territoires naturellement très attractifs. Et donc, du coup, il y a systématiquement des arrivées de nouvelles populations, de nouveaux habitants. Et donc là, il faut parfois accompagner parce que c'est des demandes de nouveaux services, parce que c'est des demandes de travail, parce que voilà. Après, on a toute une série de territoires où, on va dire, on travaille plus sur le maintien parce que c'est un problème de trop fort renouvellement, des gens qui arrivent mais qui restent très très peu, qui repartent et continuellement. Donc là, l'objectif, c'est plus de travailler sur un étalement dans le long terme de ces arrivées et puis surtout un maintien dans le long terme de ces populations et de ces activités économiques. Et puis, il y a des territoires qui sont beaucoup moins attractifs où là, on va justement essayer de travailler l'attractivité. Et travailler l'attractivité, c'est aussi bien travailler l'attractivité des paysages que l'attractivité des services à la population et aux entreprises, que de travailler l'emploi aussi, parce que quand on vient dans une zone rurale et notamment quand on est en couple, c'est peut-être un projet pour l'un, mais il faut trouver du travail salarié pour l'autre, etc. Et c'est surtout essayer de limiter les déplacements, parce que le problème du rural, alors on a toujours l'impression, ou très souvent, que c'est plus facile dans le rural, que c'est moins dur la vie dans le rural, mais non, ça peut être un enfer très rapidement, à cause des déplacements, à cause du coût des déplacements, à cause de la longueur des déplacements. Et puis, à cause de l'isolement et de la faible densité, on revient toujours à cette question-là. Et donc, du coup, travailler l'attractivité, c'est aussi travailler la question de l'emploi salarié, c'est aussi travailler le transport collectif, etc. CAC Rural existe depuis 20 ans. Aujourd'hui, vous organisez une séance de réflexion autour des 20 ans à venir du monde rural. Comment on l'imagine dans 20 ans ? Alors, comment vous avez construit cette journée-là et qu'est-ce qui va se passer là d'ici quelques minutes ? Alors effectivement, c'est les 20 ans de CAP Rural. Quand on a créé ce service, on n'imaginait pas du tout durer 20 ans, parce que bon, les notions de développement, on a toujours l'impression qu'un jour ça s'arrête, mais 20 ans après, il y a toujours besoin de faire du développement rural, et donc on est toujours là. Et on a voulu que ça soit une journée plutôt tournée vers le futur. On n'avait pas envie de repasser les 20 dernières années, ça ne nous intéressait pas. Et puis on travaille avec des gens, des élus, des agents de développement qui ont plutôt l'habitude de se projeter dans l'avenir, donc on avait envie de les nourrir de ce point de vue-là. Donc on va avoir au départ un propos introductif d'un professeur de l'université de Grenoble, Martin Vanier, qui va justement nous expliquer, nous dire qu'il y a de son point de vue, quels sont les signaux qui vont nous permettre d'enchanter le rural pendant les 20 années à venir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rend optimiste sur le rural ? Parce qu'on est dans un mode de pensée urbain, on entend toujours parler du rural, et un peu comme je l'ai fait en démarrage de l'interview, en négatif de l'urbain, hein, c'est toujours à défaut de l'urbain qu'on le définit. Et donc, lui, son rôle, ça va être de nous donner des pistes, de nous donner l'envie de continuer à travailler sur ce développement rural. Et puis, ensuite, avec l'association De l'air, hein, qui est co-animé par Caroline Naillet et puis Elisa Dumais, et avec Philippe Bertrand, qui anime l'émission de Carnet de campagne sur France Inter, on va s'exercer dans des ateliers du futur pour essayer se donner des pistes concrètes sur qu'est-ce qu'on fait demain, qu'est-ce qu'on continue à faire ou qu'est-ce qu'on aurait envie de faire. Alors bien sûr avec un peu une notion d'utopie, parce qu'il faut bien rêver dans un anniversaire. Et puis ensuite on aura un temps bien sûr festif, hein, pas d'anniversaire sans fête, donc un repas champêtre sur la place de la mairie que monsieur le maire de ces lieux nous a très très gentiment prêté, et donc il y aura un apéritif et un repas festif. Ce moment de réflexion avec des idées qui vont émerger des différents acteurs de cette journée-là, qu'est-ce que vous allez en faire ? Est-ce qu'il y aura un travail de collecte au sein de CAP Rural ? Et puis ensuite, bah oui, effectivement, l'avenir dans 20 ans. Alors si ce n'est pas dans 20 ans, quelles sont les orientations qui commencent déjà à être prises en ce moment ? Alors, nous, bien sûr, on va essayer de collecter la matière de façon orale, puisque Radio Ondaine va y contribuer, mais aussi de façon écrite, ce sur quoi on est plus familier, non ? Et donc, on écrira des articles pour notre site. On a un site internet, capural.org, où on diffusera des articles et où on essaiera d'alimenter, bien sûr, les gens qui ne sont pas venus aujourd'hui. Mais la suite, c'est toujours de travailler sur ces espaces ruraux, mais dans un contexte qui est en train de changer grandement aujourd'hui. Hein. Vous entendez peut-être parler beaucoup d'augmentation, de fusion des communes, de fusion des intercommunalités, de réforme territoriale, de loi NOTRe. On en parle un peu dans les médias généralistes. Donc on est dans une phase, on parle aussi de rapprochement entre l'Auvergne et Rhône-Alpes. Donc on est dans une phase où l'organisation des territoires est en train de changer. Et là, nous, on a un rôle vraiment très très important pour accompagner les professionnels, pour accompagner les élus, pour décrypter, comprendre ces évolutions. Et puis surtout pour retrouver un sens rural et lui donner toute sa place et toute son ampleur.